Cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala faslun wal maqsudu anna al-qalb lamma tahawla li hadha as-safar talaba rafiqan ya'nasu bihi fi as-safar. Fafi hadha al-fasl rahimahullah dhakara ila cité anna hadha al-musafir. Ce voyageur, il a besoin d'un rafiq. Ou un rafiq, c'est le compagnon. فالمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر, ce cœur qui désire accomplir cette hijra إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم, il a besoin d'un rafiq, il a besoin d'un compagnon. يأنس به في السفر, pour lui tenir compagnie. Al-Musafir, il a besoin de compagnie. Et l'être humain en général, il préfère voyager accompagné. Amma seul, c'est plus difficile. Qala falam yajid illa mu'aridan munaqidan aw la'iman bit-ta'nib musarrihan wa mu'arrida. Et هذا القلب هذا المؤمن, en général, il trouvera que ha'ula al-asnaf, que ce type de personne, imma mu'arid munaqid, quelqu'un qui va essayer de le détourner, ou plutôt il va le laisser, il ne va pas vouloir l'accompagner, ou la iman bit-ta'nib musarrihan wa mu'arrida. N'am. Ou une autre catégorie de personnes qui vont le décourager, qui vont lui montrer que ce voyage il est trop compliqué et ils vont le décourager. Fahdhar, ça nous montre l'importance de ar-rafiq as-salih an-nasih, l'importance de choisir ses fréquentations et d'avoir des amis, des compagnons qui conseillent, qui aiment le khayr, qui aiment l'ilm, qui vont t'aider walaw bi al كلمه الطيبه ولو avec une bonne parole et ils vont t'encourager. قال او فارغا عن هذه الحركه معرضه او افارغ, quelqu'un qui ne pense même pas à faire cette hijra, quelqu'un qui ne fait pas d'effort. قال وليت الكل كانوا هكذا فلقد احسن اليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك. Et صدق رحمه الله. Si seulement tous les gens ils seraient comme ça, واحد, ils ne t'accompagnent pas, qui ne te décourage pas. Il n'est pas capable de te suivre. Il n'est pas capable d'accomplir هذه العبادة العظيمة, cette hijra إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. Et on a vu dans les cours précédents que, pour résumer simplement, c'est appliquer son din, mettre en application le Coran ou la Sunna autant qu'on peut. هذا s'il ne peut pas, il te délaisse et il ne te décourage pas. فلهذا قال الشيخ رحمه الله وليت الكل كانوا هكذا. Si seulement tous les gens, ils seraient comme ça. أما le fait de décourager, le fait de citer des problématiques qu'il n'y a pas à la base, le fait de se poser trop de questions, ça fait du mal. فلهذا on doit éviter نحن de le faire. أي quand on apprend que واحد veut faire du khayr, imma l'hijra, imma l'hajj, imma talab l'ilm, imma rendre visite à ses proches, il a avalé, on doit l'encourager. C'est ça la base, c'est ça l'asl. On doit l'encourager. Walaw bil kalam at-tayyib. Amma al-wasawis, et des problématiques qu'il n'y a pas, hada, en général, ça vient du shaitan. Et بعض الناس, à cause de leur ignorance, ou de leur faiblesse dans un point, ils pensent que tout le monde ne peut pas. فلهذا تجد بعض الناس, ils ont du mal مثلا à accomplir الهجرة, et le fait de délaisser بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام, et ils découragent les autres. لماذا؟ لأنهم, eux, ils n'ont pas réussi. Et هذا, c'est un خطأ كبير. On doit apprendre, أن, sinon on n'arrive pas à faire une chose, peut-être que notre frère, il peut. Et sinon on n'arrive pas à l'aql, on ne décourage pas. Et si on peut l'encourager, نصحاً وتعليماً وتشجيعاً, on doit le faire. Si on peut l'encourager avec une bonne parole ou autre, فهذا c'est مطلوب. وتعاونوا على البر والتقوى. نستفيد كذلك de ce passage en ne fais pas attention à ceux qui essayent de décourager. Si tu es sûr, si tu t'es préparé, tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite, tu sais que c'est le bon chemin, va emprunte-le wa tawakkal ala Allah, même si tu es tout seul, et n'écoute pas ceux qui essayent de décourager. En général, ceux qui essayent de décourager, c'est qu'eux, ils n'arrivent pas. Ils ont été atteints par une maladie. Si eux, ils n'arrivent pas, ils veulent que les autres kadali qui n'arrivent pas. Fahdhar et tawakkal ala Allah, place ta confiance en Allah. قال كما قال القائل إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. Le fait de délaisser le mal, on vit à une époque, هكذا قال الشاعر, ce poète, أنهم vivent à une époque, أن le fait de délaisser القبيح, délaisser le mal, c'est un énorme bien, même si ça ne faisait pas du bien, هكذا à notre époque. C'est pour ça que الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى السلامة. Si les gens ils ne te font pas de mal, ils ne te découragent pas, ils ne te mettent pas des bâtons dans les roues, falhamdulillah. الحقيقة c'est comme si tu avais fait un énorme bien. قال وإذا كان هذا المعروف من الناس فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها وينبغي أن لا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة بل يسير ولو وحيدا غريبا فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. Et si tu vis à une époque, Akhil Karim, ou dans un endroit où tu ne trouves pas ce compagnon, tu ne trouves pas cette entraide qui est matloub, on doit tous faire des efforts pour s'entraider. Fi hada safar al-azim wa hadhihi al-hijra at-tayyiba. On doit tous faire des efforts, et si tu ne trouves pas, enfin, ne te décourage pas. Et adore Allah subhanahu wa ta'ala. Demande-lui azza wa jalla. Fais des efforts pour suivre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fais des efforts pour apprendre ton din. Fais des efforts pour délaisser le haram, pour appliquer les obligations, même si tu es tout seul. Et ta'ammal hadhihi al-fa'ida, fanfirad al-'abd fi tariq talabihi dalil 'ala sidq al-mahabba. Celui qui fait des efforts même s'il est tout seul, ça montre qu'il est sincère. Et ça montre qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Limadha? Li'annahu même s'il est tout seul, il emprunte ce chemin. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont plusieurs, ils ne sont pas sincères. Là, lakin, en groupe, c'est beaucoup plus simple que celui qui est tout seul. Enfin, celui qui est tout seul, ça montre que son iman, il est qawi. Ça montre que sa foi, elle est forte. Et ça montre qu'il, malgré tous ces obstacles, malgré la solitude, il veut avancer. فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ. Et on vit à une époque où le khayr est موجود. والرفقاء الصالحون موجودون. Les compagnons pieux, les amis qui sont à la khair, ولله الحمد, موجودون à notre époque. فقط, il faut faire des efforts pour les trouver. Et quand on a هذا الصاحب, هذا الرفيق, on doit tout faire pour le préserver. Ça te montre, Akhil Karim, les fréquentations pieuses, que ce soit pour les frères ou pour les sœurs, c'est une ni'ma azima. On doit faire attention de ne pas ضيع هذه النعمة pour le moindre sabab. سبب تافه. بعض الناس, ils ont ce compagnon qui est à la khair, qui encourage, mais pour une chose, le shaitan y rentre et il le délaisse et il ne se parle plus. ثم الهجر, ثم les mises en garde, ثم, et le shaitan, il les divise. Que ce soit pour un couple, que ce soit pour des amis, que ce soit pour des étudiants, que ce soit autre. Donc n'oublie pas le khair. Et Kadalik, n'oublie surtout pas que cette fréquentation, ce compagnon qui va t'aider, que tu vas aider, vous allez vous entraider dans ce chemin, il n'est pas parfait, il n'est pas infaillible. Il se trompera. Il aura un mauvais comportement, une mauvaise parole. Il a arrêté. C'est un être humain. Et tu es un être humain, Kadalik, tu as tes manquements. Lakin, tant qu'il est à la khir, tant qu'il est à la sunnah, tant qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, tant que il est avec toi sur ce chemin, cette hijra, il Allah, et ce voyage jusqu'à la mort, hafiz alayhi. Essaye de prendre soin de lui, et où il prend soin de toi, et kadhalik, ferme les yeux sur certaines choses. Illa, enfin, si tu veux tout compter, prendre en compte tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, et à chaque fois tu veux mathalana telle chose et telle chose, on est fit dunya. Ah là, tu ne trouveras pas. On a tous des faiblesses. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse aller. Là, on se corrige. Lakin, tant que tu sais qu'il est à la khair, profite de ce bien et préserve-le. قال ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الوريقة علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى. هذه الوريقة أي سكالكفاي أي سليفر. Cette رسالة très résumée qu'on a étudié ensemble, wallahi alhamd, at-tabukiyya. Celui qui médite bien sur ce conseil que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala il a fait à ses frères, alima annaha min aham ma yahsul bihi at-ta'awun 'ala al-birr wa at-taqwa, ay sat hijra. C'est une des choses les plus importantes dans lesquelles on doit s'entraider. Plus que dunya, plus que ce qu'on désire min umur ad-dunya. أهم شيء التعاون على البر والتقوى. قال وسفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قصد مسطرها بكتابتها. أي parle de lui-même رحمه الله. Ce livre il l'a écrit pour montrer et pour conseiller ses frères sur cette entraide dans le bien. Et la chakana parmi le bien, c'est la base du bien. Al-hijra ila Allah wa al-hijra ila al-rasul alayhi salatu wasalam. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et suivre al-Nabi alayhi salatu wasalam. Qala wa ja'alaha hadiyyat al-mu'ajjal al-sabiqa ila ashabihi wa rufaqaihi fi talab al-ilm. Ahuna, rahimahullah, il a montré pourquoi il a écrit cette risala et à qui. Et au début du livre, on avait cité annahu rahimahullah à la fin du livre. Il a montré que ce conseil, c'était pour ses frères, talabat al-ilm, ses frères qui étudiaient avec lui. On ne parle pas ses frères de sang, on a là, ses frères fi dinillahi azza wa jal. Et ceux qui étudiaient avec lui, il leur a écrit hadihi an-nasiha, hadiya. Il l'a appelé hadiya. Hadiya, c'est un cadeau. Les meilleurs cadeaux qu'on peut se faire, c'est hadihi an-nasaih. C'est al-ilm an-nafi'. Un conseil, une kalima, wallahi, ça peut être utile pour ton frère. Akthar min mablagh min al-mal. Une énorme somme d'argent. Limadha li'anna la réussite elle est fi hadha ad-din. Et ce din il est fondé sur le conseil. Comme a dit le Nabi alayhi salatu wasalam. Ad-din an-nasiha. La religion c'est le conseil. Elle est fondée sur an-nusah. Et le meilleur conseil qu'on peut se faire, c'est ces deux hijras. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. La sincérité, la véracité. Et كذلك le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. قال واشهد الله وكفى بالله شهيدا ولو توافيه من احد منهم لقابلها بالقبول ولبادر الى تفهمها وتدبرها. Ça montre حسن الظن de cet imam رحمه الله envers ses frères. فلهذا قال واشهد الله, je prends Allah subhanahu wa ta'ala comme témoin, وكفى بالله شهيدا, et il suffit comme témoin ان si cette nasiha, cette risala elle arrive à destination chez un de ses frères, انه il va réfléchir, il va méditer et il l'acceptera. هكذا entre nous doit par حسن الظن. لان ce qui nous empêche نحن احيانا de faire une nasiha, c'est quoi? C'est sou dhann. Mathalan, ya akhi, pourquoi tu conseilles pas ce frère? Ahyanan, et souvent on entend cette réponse, mais il n'acceptera pas. Man qala lak? Qui c'est qui t'a informé annahu il n'acceptera pas? Al-qulub bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman. Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Anta fait la cause faqat. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Moussa et son frère Haroun alayhim as-salatu wassalam pour faire nasiha, pour conseiller Fir'aoun. La'allahu yatadhakkar wa yakhsha. Peut-être qu'il va ouvrir les yeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikmah azima. Hey, vous êtes une cause. Vous êtes une cause. Fahakada nahnu. On doit éviter hada. Ça, c'est min su'udhan. Montre à ton frère. La'allah, cette kalima, même s'il ne l'accepte pas directement, Rubbama, elle va ouvrir une porte de bien dans son cœur. Thumma une deuxième nasihat, thumma un autre frère, wa hakada billati yahsan, avec l'ilm, etc. Yahsul khayr. Amma, ces fausses excuses. Annahu la, il ne va pas accepter. Oh, un tel, il lui a déjà parlé. Rubbama, un tel, il lui a parlé. Et anta, tu vas parler avec un kalam, peut-être qui est fondé sur plus de preuves. Peut-être qu'il va accepter de toi. Peut-être qu'il accepte plus de toi. Si Wahad il l'a conseillé, Rubbama, anta, tu vas le conseiller. Yahsul khayr, ala kulli hal. On fait attention à ces excuses qui éloignent du bien. Qala. وعدها من أفضل ما أهدى الصاحب إلى صاحبه. نعم. أي, ils vont considérer ce cadeau, أي cette نصيحة, cette رسالة التبوكية, parmi les meilleurs cadeaux qu'ils ont reçus de leur ami. قال فإن غير هذا من ما جرى يان من ما جرى يانات. نعم. أي ما جرى يانات الركب الخبرية. هذه الكلمة, ça vient du mot جرى ما جرى مثلا. On dit hasala kada dans tel endroit. Ay huna yurid al qil wal qal. Fulan il a fait, fulan il a pas fait. Ay des paroles qui ne sont pas utiles. Qala fa inna ghayra hadha min ma jarayanat al rakb al khabariyya. Al khabariyya, ça vient du khabar, ay les informations. Qala wa in tatalla'at al nufus ilayha fa fa'idatuha qalila. صحيح ان النفس لم بها هذا الاخبار توسكي ليو aux informations انه il s'est passé انه فلان انه نفس البشر اللي attiré par هذا لكن كما قال وان تطلعت النفوس اليها ففائدتها قليله si c'est pas du haram اما si c'est de la médisance des mensonges des accusations fausses هذا لا شك que c'est du haram لكن si ça reste on parle dans al halal dans le mubah et des informations sur des choses permises de dunya, etc. فَإِدَتُهَا قَلِيلًا. S'il y a un profit, des leçons à tirer seront minimes, très peu. قَالْ وَهِيَ فِي غَايَةِ الرَّخْصِ لِكَتْرَةِ جَالِبِيهَا. الرَّخْصِ, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. On dit مثلاً هَذَا الْكِتَابِ لِرَخِيسِ, il n'est pas cher. فَهُنَا قَالْ وَهِيَ فِي غَايَةِ الرَّخْصِ لِكَتْرَةِ جَالِبِيهَا. Et tellement beaucoup de monde ont cette marchandise. Et al-qil wal-qal, les ondits, des choses qui ne sont pas fondées sur la science, des choses de dunya. La plupart des gens, ils parlent sur ces choses. Enfin, et al-amoun, on a une marchandise quand elle est abondante, elle est propagée partout. Enfin, cette marchandise, elle perd de sa valeur. Fahakada, le kalam qui n'est pas fondé sur al-haq, ou le kalam qui n'est pas lié à notre din. La plupart des gens, ils parlent des choses de la vie de tous les jours. Ça nous montre un an-nush qui est fondé sur le Coran ou le Sunnah. Et l'insan, il veut le bien pour son frère. C'est le meilleur cadeau que tu peux faire à ton frère. Et c'est un cadeau qui a une énorme valeur. L'imada, c'est un cadeau qui est devenu très très rare. À l'époque d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'était déjà rare. Amma, à notre époque, madri, est-ce qu'il y a un mot plus fort que rare? قال وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم وإنما الهدية c'est le cadeau النافعة profitable qu'est-ce que c'est tu veux faire un cadeau profitable à ton frère كلمة من الحكمة une كلمة من الحكمة qui est fondée sur la sagesse le Coran ou la Sunna يهديها tu l'offres à ton frère. Al-Rajul ila akhi al-Muslim. Hada c'est tayyib. Et si tu ne peux pas, Rubbama, tu offres à ton frère la parole d'un autre, d'un savant, d'un frère, une parole tayyiba que tu as appréciée, qui est fondée sur le haq, et tu la propages à ton frère. Qala wa man arada hada as-safar fa alayhi bi murafaqati al-amwat alladhina hum fi al-alam ahya. Rahimahullah, il est revenu. Ah, l'objectif de ce fasl, de ce chapitre. Hey, ce compagnon que tu as besoin pour ton voyage. Vu que, comme taqaddam, la plupart des gens, ils n'ont pas la force d'accomplir cette hijra. Ou ils n'y pensent pas. Ou ils sont occupés par autre chose. فاحذر دو نبا شوازيو نابورت كي. فلهذا قال ومن أراد هذا السفر ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. Le fait d'avoir هذه الإرادة, cette volonté, c'est une alama, c'est un signe de bien في المسلم. أنه il veut faire. Et تعلمون أن العمل il est fondé sur une niya, sur une volonté. إنما العمل بالنية. Avoir cette volonté, c'est très très important. قال فعلي. Qu'est-ce que tu dois faire? Bien sûr, avec toutes les provisions précédentes. قال بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء. Hey, si tu ne trouves pas un compagnon, enfin, n'oublie pas un compagnon que tu peux choisir qui est mort. كيف هذا؟ يريد بهذا العالم من العلماء. Hey, tu prends comme compagnon العلم. مثلا un kitab. À notre époque, ولله الحمد, des audio sautiyat. هذا العلم de ce savant, c'est comme si le savant est accompagné. مثلا نحن والله الحمد في هذا الشهر المبارك شهر رمضان de cette année 1441 والله الحمد depuis le début du mois et on est en compagnie de هذا الإمام رحمه الله. Il est décédé il y a des siècles et il a laissé cette نصيحة والله الحمد استفدنا منها كثيرا. C'est comme si l'imam Nouqayyim, rahimahullah, dans ce mois, il nous a conseillé avec plusieurs nasa'ih. Fastafadna min kitabih. Walillahi alhamd. Qala. Et on n'a même pas besoin de faire la comparaison. Est-ce que, mathalan, on a rencontré dans ce mois un être vivant qui nous a conseillé autant que cet imam, rahimahullah. Rubbama la. Bel, certaines personnes, là où تجلس معه, si tu t'assois avec lui, تسمع des mauvaises paroles, des futilités, إلى آخره. هذا قصده. أي علماء السنة qui sont morts. قال فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات. Et on n'oublie pas, bien sûr, on a cité les savants, لكن قبل ذلك, bien sûr, notre prophète محمد عليه الصلاة والسلام. Vivre avec sa sunna. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعض العلماء كانوا يقولون أنهم ils sont en compagnie des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم أي en étudiant les hadith et les آثار كأنهم ils vivaient avec الصحابة رضي الله عنهم alors que c'est des savants qui sont venus bien après, des générations après. فهكذا نحن, si tu vis avec صحيح البخاري صحيح مسلم وهكذا بقية كتب السنة وهكذا avec كتب التفاسير وهكذا avec la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام وهكذا les biographies des compagnons et des salaf رضي الله عنهم. Même si tu es seul في بلد, même si tu es في غربة في بيتك, peut-être que chez toi tu vas trouver de la, tu vas sentir de la غربة أنك t'es comme un étranger, لكن si tu profites de la science de هؤلاء, de leurs livres et كذلك des savants de notre époque, ولله الحمد, tu vas profiter جدا. Et هذه الغربة, elle va être allégée. Aïe, tu vas alléger, tu vas t'alléger toutes ces charges et cette pression que بعض الناس y mettent. Bien sûr, en demandant à Allah Azza wa Jal. قال وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس أموات. Fais attention de ne pas prendre comme compagnon pour ce voyage, comme Rafiq, un vivant, et vu le haqiqa, il est mort. Il est vivant, il marche. Et il parle. Lakin, il est mort. Aïe, huna, al-maut, c'est maut al-qalb. Mathalu alladhi yathkur rabbah, walladhi la yathkur rabbah, ka mathali al-hay wal-mayyit. Hakada qala al-Nabi alayhi salatu wasalam. La différence entre celui qui fait du zikr et celui qui ne fait pas du zikr, c'est comme la différence entre le vivant et le mort. Et fait le Coran, beaucoup de versets, en Allah subhanahu wa ta'ala, il a comparé les kuffars et ceux qui se sont écartés de la vérité à des morts. Qala, fa innahum yaqta'un alayhi tariqa, fa laysa li hadha as-salik anfa'u min tilka al-murafaqa. Limadha li'anna ce vivant qui a le cœur mort, il va te ralentir. S'il ne t'écarte pas du chemin, limadha li'anna chacun appelle à ce qu'il aime. مثلا celui qui aime cette hijra, il va essayer d'appeler les gens à suivre هذا الطريق العظيم. Tu as des gens, ils suivent pas هذه الهجرة. لا بل ils suivent سبيل الشيطان. Et ils appellent à suivre la route de Shaitan. فحذر. فحذر. Vaut mieux être seul. Et tu prends comme rufaqa un mouat, des savants qui sont morts. بل قبلهم الصحابة رضي الله عنهم. بل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Et tu délaisses هؤلاء الجلساء السوء. قال فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة. Tu as deux choses, tu as le mourafaqa et tu as le mufaraqa. Vous avez remarqué que c'est deux mots qui se ressemblent. Faqat deux lettres, elles ont été inversées. Al mourafaqa, ça vient de al-rafiq, le compagnon. Enfin, tu ne trouveras pas une fréquentation plus utile que al-ulama. Wa al-sahaba radiallahu anhum, wa al-rusul wa al-anbiya alayhim as-salatu wassalam. Même s'ils sont morts, tastafid minhum. Ils ont laissé derrière eux علم غزير وفوائد عظيمة فتش أم بروفيت قال وأوفق له من هذه المفارقة la chose que tu dois le délaisser plutôt c'est le deuxième mot المفارقة ça vient de فرق ou de فارق le fait de délaisser le fait de s'écarter une chose tu ne trouveras pas une chose plus profitable dont tu dois t'écarter des mauvaises fréquentations قال فقد قال بعض من سلف فقد قال بعض من سلف شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم وبين أقوام أحيا تموت القلوب بمخالطتهم كلام جميل certains salafs disaient il y a une énorme différence entre des personnes qui sont mortes لكن le fait de les fréquenter comment les fréquenter revenir à leur ilm ça fait revivre ton cœur بإذن الله عز وجل et un autre groupe ils sont vivants لكن le fait de le fréquenter, ça tue le cœur. قال فما على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه. La chose qui fait le plus de mal au عبد, au serviteur, c'est العشرة وأبناء جنسه. Ses fréquentations. أي les gens avec qui il vit. لماذا لأن الإنسان, l'être humain, il a été créé comme ça, أنه il est influençable et il est influencé par ses proches, par son entourage. Allez, là, on doit faire attention. Ça ne veut pas dire qu'un insan il délaisse tout le monde. Là, qu'il fait attention de ne pas suivre les gens. Quand tu suis la vague. Maintenant, dans ton foyer, tu vis avec des gens qui sont ignorants, qui sont loin de sunna ila akhir. Et quand tu suis là, tu es obligé de patienter. Et essayer d'être une cause pour que c'est eux qui te suivent. Si tu n'arrives pas, c'est que anta tu deviens pas un suiveur. Là, pourquoi? Parce que tu es un suiveur anta du Coran et de la Sunna. Anta tu as emprunté ce chemin. C'est de hijra ila Allah wa ila Rasul alayhi salatu wassalam. قال فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية سلكوا والسلوك أية سلكوا أي طريق زمخي الإنسان اللي سوي قال حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم En général, les gens, ils sont comme ça. Vous avez remarqué que les gens, ils n'aiment pas la différence. En général, quand un mujtama, ils font une chose, un peuple dans une ville, dans un pays, dans une région, ils font une chose. La plupart des gens, ils font la même chose. Les gens, ils osent pas délaisser ce que les autres y font. Et ça, Kadalik, c'est une des plus grandes causes d'égarement. Le fait de suivre les autres aveuglément, les ancêtres ou autres. قال وهمته واقفة عند التشبه بهم. C'est pour ça que كثيرون من الناس, ils ont délaissé le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام, ils essayent de ressembler aux autres. حتى ils se font accepter. Et ça, c'est une فائدة عظيمة. Si tu suis un Nabi عليه الصلاة والسلام, dans beaucoup d'endroits, à beaucoup d'époques, c'est une cause pour être rejeté. لكن الإنسان يصبر. Et Allah سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إنكم ستتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم فمن. النبي صلى الله عليه وسلم informé là, vous suivrez les pas de ceux qui étaient avant vous. شبرا بشبر وذراع بذراع pas pas. حتى لو دخلوا جحر ضب, même s'ils rentrent dans un trou de lézard. Et certains trous de lézard, ils sont très très petits. Dans un mur, hein, et tu vois le lézard rentrer dans ce trou. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال, لو دخلوا هذا الجحر, et ce trou, la dakhaltumu, vous allez les suivre. Les sahaba radiallahu anhum, ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est les juifs et les chrétiens? Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال, faman. Et si c'est pas eux, ça va être qui? Et c'est ce qu'on vit actuellement. قال, famata. ترقب فمتى ترقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر. Si tu délaisses هؤلاء qui ne sont d'aucun profit pour toi, les mauvaises fréquentations, ben c'est un énorme mal, et tu choisis et tu prends la décision de suivre ce qui était avant nous, min al-salaf al-salih, radiyallahu anhum, wa min al-anbiya wa al-rusul, alayhim salatu wa salam, ça va te donner de la motivation. Tu n'es pas seul, al-mar'u ma'a man ahab yawm al-qiyamah. Si tu les accompagnes ici-bas, aïe, en suivant leurs conseils, t'essayes de mettre en application l'ilm qu'ils ont laissé, qui est fondé sur le Qur'an, wa sunnah, bi idnillahi azza wa jal, tu seras avec eux yawm al-qiyamah. Donc tu es avec eux, fi dunya, avec leur ilm, même s'ils sont morts, même s'ils sont très très loin de toi, yawm al-qiyamah, c'est une cause pour que tu sois véritablement avec eux. Amma, la mauvaise fréquentation, elle te fera du mal ici-bas, et yawm al-qiyamah, comme taqaddam ma'ana, ils se désavoueront les uns des autres. Et ils s'accuseront les uns les autres. Qala, rahimahullah, وصار بين الناس غريبا وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا. نعم, أي en appliquant, en suivant la voie de هؤلاء, الإنسان se retrouve étranger même s'il est au milieu de sa famille. قال ولكنه غريب محبوب يرى ما الناس فيه وهم لا يرون ما هم فيه ما هو فيه. نعم, لكن il est غريب, il est محبوب, il est tranquille. Il est sûr de lui, walillahi alhamd. Lima'ala li'annahu iswi l'haq. Gharibun mahboub, yara nas, yara man nas ou fi. Aïe, il voit ou il connaît la situation des gens. Aïe, les mukhalafats qui font. Annahum, ils donnent pas de l'importance au tawhid, au suivi du Qur'an, de la sunna, etc. Comme une bida'a, certains ils suivent les coutumes. Certains, yadam billah, ils sont tombés dans al-kufr al-sarih. Al-kufar, la yu'minuna bil-rab, wala bil-ma'ad, wala bil-anbiya, wala bil-kutub, etc. Ils voient tout cela et ils connaissent leur situation critique. Wahum la yarawna ma huwa fi. Et eux, ils ne savent pas ce sur quoi il est. Hala al-sunni al-mu'min al-gharib. لماذا؟ لأنهم يسونيرون, ils ne connaissent pas ton objectif, ils ne connaissent pas ton véritable chemin. لا, ils te voient فقط, ils connaissent ton apparence. قال يقيم لهم المعاذير ما استطاع وينصحهم بجهده وطاقته سائرا فيهم بعينين. هذا الكلام ربما بعض الإخوان يذكرون, on l'a lu il y a quelque temps dans un autre dars, et c'est un كلام مفيد. فعلى كل حال يقيم لهم المعاذير ما استطاع. Et مع هذا, il essaie de trouver une excuse aux autres. لماذا؟ لأن beaucoup de gens ils sont ignorants. Beaucoup de gens ils ne connaissent pas la véritable valeur du suivi du Coran et de la Sunna. Beaucoup de gens ils sont tombés dans des péchés à cause de faiblesse, à cause de l'insouciance. Enfin, quand on peut trouver une excuse, on leur trouve une excuse. لكن on s'arrête pas هنا. قال وينصحهم بجهده وطاقته. Et كذلك النصح. لأن الصحيح أن البعض ils ont des excuses, لكن ça empêche pas النصيحة. أي, on doit être une cause pour que الحجة تبلغ للناس, pour que les gens ils connaissent la vérité. قال سائرا فيهم بعينين. Et au milieu de هؤلاء, quand tu vis dans une ville, ou ça peut être dans une école, dans une maison, مهم, tu es dans un endroit, tu dois bien sûr toujours avoir ces deux approches. ces deux visions. La première, قال عين الناظرة إلى الأمر والنهي. Et بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم. العين الأول. Il a comparé هو à deux yeux. Non, on peut traduire pour que ça soit plus clair, deux approches. La première, bien sûr, عين ناظرة إلى الأمر والنهي. Bien sûr, tu dois pas négliger هذا الباب العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Aïe, tu leur montres que telle chose c'est obligatoire et que telle chose c'est interdit. Thumma, tu aimes et tu détestes par rapport à ces deux choses. Aïe, ceux qui mettent en application, tu vas les aimer, fillah, c'est tes frères. Ceux qui délaissent, enfin, par rapport au délaissement. S'ils délaissent totalement la religion, c'est des koufars, on les délaisse, on les déteste en tant que koufars. Et si c'est un musulman lakin, il est égaré dans certains points, enfin, on le détestera par rapport à certains égarements, comme on l'a expliqué dans Tuhfatu. الإخوان ولله الحمد وعين لا دوزيام أبروش وعين ناظرة إلى القضاء والقدر بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقص الشرع كذلك لا دوزيام أبروش le deuxième comportement que tu dois avoir أن tu sais que tout ce qui se passe, c'est bil qada wal qadar. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Fahada, ça te pousse à avoir de la miséricorde envers eux. Kadhalika, ne pas désespérer. Il y en a, tu sais pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a qadar ni pour eux ni pour toi. Fahrahma. Et kadhalika, kama qal, yaltamis lahum wujuh al ma'adhir. Ahyanan, il y a une porte qui peut être ouverte en tant qu'excuse. Fah, ne ferme pas cette porte. Et kadhalika, حسن الظن si c'est ton frère mu'min et il est connu pour le bien. وهكذا قال فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقض الشرع. Bien sûr, on trouve des excuses et de la rahma ila agri, lakin sans délaisser notre din. فالحق c'est الحق. Et montrer la vérité, c'est montrer la vérité. Et ces deux points, ils ne se contredisent pas. Le résumé, on doit montrer la vérité. On doit s'attacher à la vérité. On doit pas faire de concessions dans ce point, et que d'aller que ça n'empêche pas d'avoir de la rahma, de la miséricorde, et de trouver et de chercher des excuses à son frère. قال وقد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته واقفا عند قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. N'oublie jamais ce verset. Il est très très important. وتقدم معنا كما تذكرون il y a quelques jours dans notre charh de Riyad al-Salihin. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Ce verset, c'est une base dans le comportement avec les autres. قال متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم. Tu as trois choses. Tu as حسن المعاشرة مع الخلق, le comportement avec les autres, ton comportement avec eux par rapport au din, le fait de leur montrer, etc. Et la troisième chose, le fait que tu sois épargné de leur mal. قال فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم بدله من أموالهم وأخلاقهم فهذا ما منهم إليه. تأمل ما منهم إليه. Et qu'est-ce que tu vas recevoir des autres? لأن cette vie, c'est un échange. Tu vas recevoir certaines choses des personnes, des paroles ou autres. Ça peut être des bonnes choses, des mauvaises choses. Et tu vas donner aux autres. Ça peut être des bonnes choses ou des mauvaises choses. قال فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم. لماذا؟ لأن الناس ils sont pas tous comme nous. Tu trouves maintenant certains ils s'énervent rapidement. Tu trouves certains maintenant ils osent la voix très rapidement. Tu trouves d'autres là ils sont calmes. Ils s'énervent que rarement. Et at-tab, il est comme ça. Leur nature, elle est comme ça. Donc, n'oublie jamais ça. Et rappelle-toi de Qawla Azza wa Jal, khudil afwa. Khudil afwa, et pardonne. قال ووسعهم بدله من أموالهم وأخلاقهم فهذا ما منهم إليه. Ça c'est ce que tu recevras des autres. Des paroles, il a agré des comportements. Enfin, tant que tu peux pardonner et trouver des excuses, ne ferme pas cette porte. L'imam d'Aliana, tu te feras du mal. Tu es obligé de fréquenter des personnes. Et les personnes, elles sont comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé de nature différente. Est-ce que on doit se baser sur ça et délaisser les textes? Maintenant, on dit, wahed, il s'énerve très très vite, il perd ses moyens. Donc, khalas, on l'excuse dans tout. Là. قال عز وجل وأمر بالعرف même si sa nature elle est comme ça on doit lui montrer la vérité. قال وأما ما يكون منه إليهم أي maintenant qu'est-ce que toi tu vas leur donner. قال فأمرهم بالمعروف وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه وهو ما أمر الله به. Montre-leur la vérité, montre-leur دين montre-leur دين الله الحق عز وجل. قال وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم. Vu que dans un mujtama, dans une société, dans un peuple, tu entendras des mauvaises choses. Il a arrêté, tu seras confronté à des mauvaises personnes. Wa la bud, qala, wa amma ma yattaqi bihi adha jahilihim fal-i'rad anhum. Détourne-toi des ignorants, de ceux qui ne veulent pas écouter, de ceux qui veulent faire du mal. Arrête. Tu as montré, ils ne veulent pas écouter. Alhamdulillah. Continue ton voyage. إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام على الطريق tu fais du bien. Comme un voyageur qui maintenant à notre époque qui roule en voiture et il s'arrête et il fait du bien. Il donne à un tel, il aide un tel. ربما واحد sur la route il va mal te parler. Ça arrive souvent dans une aire de repos maintenant. أعرض عنه. N'écoute pas, ferme les yeux, bouge tes oreilles et avance. Et laisse-le, il se fait du mal qu'à lui-même. هكذا الطريق إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم. الإعراض le fait de les laisser, de se détourner de. وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها. Et ça c'est un point très très important. Fais attention avec الجاهل. الجاهل c'est celui qui n'a pas de علم. بعضهم ils ont un mauvais comportement. بعض الجهال. Nahum, ils s'énervent très vite, ils insultent la moindre chose, ils sont capables d'aller très très loin. Écarte-toi de Haoula et fais attention de ne pas vouloir te venger. La moindre chose, wa hakada ba'd an-nas yasun, wa nas'allahu subhanahu wa ta'ala al-islah wa al-thabat. Ana ba'd an-nas, la moindre chose, ils ne laissent pas passer. Matalan, dans la rue, wahed, un jahil min al-juhal, il dit une chose, fais attention de ne pas vouloir le prendre en compte surtout et vouloir te venger. S'il a parlé sur toi, il est hayyin. La gravité, c'est s'il parle sur din. On se met en colère pour Allah et on essaye d'enlever son munkar comme on peut. Mais s'il parle sur toi, alhamdulillah. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Et nous, on est des êtres humains avec nos faiblesses. S'il a parlé sur nous, Obama, la chose qu'il a dit, elle est en nous. Faut pas oublier une autre chose, c'est qu'ahyan un wahed, il nous dit une chose qu'on accepte pas, qu'on a du mal à accepter, qu'on n'aime pas, et en fait, cette chose, elle est en nous. Fait l'amr, il est seul. Il a dit cette chose, il a dit. Et si c'est pas vrai, si c'est une accusation, fait l'hamdulillah. Alhamdulillah, c'est un ignorant. Si tu lui pardonnes, fait l'hamdulillah, tu lui pardonnes pas, fait yom al-qiyama, c'est le jour des comptes. Wa tark al-intiqam li nafsihi wa al-intisar ilaha. Fais attention. Les Anna, tu trouveras toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord, toujours quelqu'un qui te fera du mal. Enfin, si ton objectif, c'est faqat de te défendre ton propre nefs, et tu veux que personne ne dise rien sur toi, et là, allez, tu te feras du mal. Ba'd al-nas, ba'd al-juhal, tellement qu'ils sont ignorants, tellement qu'ils suivent leur passion, ils sont capables de perdre leur vie pour une parole. Alors que c'est quelque chose de sale. Bardoum, ils ont été très très loin, ils ont fait certaines choses, ils ont voulu se venger. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont enfermés, ils sont en prison. Des lourdes peines. Anta, tu n'as pas besoin de hada. Suivre ton nefs, Obama, faire une chose très très grave, blesser quelqu'un ou encore plus grave, le tuer pour une kalima, tu regretteras. Tu regretteras. Enfin, les hada, on fait attention. Et ce qui nous aide, ou qui pourra nous aider via hada al-bab, c'est de savoir qu'on est des êtres humains avec des faiblesses. Et kada alik. Notre but, c'est la guider des autres. Ce n'est pas la vengeance. Celui qui met en application ce verset. Un bon comportement et il pardonne aux autres. Bien sûr, c'est fondé sur l'ilm. Tu peux pas montrer une chose que tu ignores. Donc, l'ilm avec un nasiha, le conseil, etc. Wa a'rid anil jahilin. Quand wahed ma vi fa'ida, il n'y a aucune fa'ida de lui parler, il l'écoute pas, il fait du mal. Même s'il parle, détourne-toi. Écarte-toi de lui et laisse-le. Il va trouver un autre. Les nabar de nas, ils ont rien à faire. La ilm, kadalik, ils ont aucun projet dans le dunya. Ils ne sont pas occupés par l'ilm et ils ne sont pas occupés par le dunya. Dans la rue, matin et soir. Et wa'adhum, iyadam billah, ils cherchent que les problèmes. Enfin, si ce n'est pas avec toi, ça sera avec un autre. Laisse-le à un autre. Obama, il va trouver quelqu'un qui est comme lui, qui est pire que lui. Et alhamdulillah, la umma sera reposée d'un des deux. Amma anta la, ne perds pas ton temps avec ha'oula. Khassatan, idha akramaka Allah subhanahu wa ta'ala bis sunnah. Sunni, il n'est pas comme les autres. Là, sunni, walillah alhamdi, il a cette aqida, azim. Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit, il l'entend. Kadalik, il espère le bien pour les autres. Kadalik, il patiente plus que les autres. Hadi al-akhlaq, c'est des comportements très très importants. Qala, wa ayyu mu'asharatin wa siyasatin lil'alam ahsanu min hadhihi al-mu'ashara wa siyasa. Tu ne trouveras pas une siyasa. La siyasa, notamment, c'est la politique. Et ohna, c'est siyasa avec les autres. La politique, c'est ça, c'est comment se comporter, comment essayer de faire parvenir son idée à un autre. Adam siyasa, Adam mu'ashara, mu'ashara, c'est le fait de se mélanger, de fréquenter, c'est fondé sur ce verset. Kama qala Ibn Qayyim rahimahullah, imagine tout le monde appliquerait ça. Tout le monde pardonnerait, tout le monde appellerait au bien, et tout le monde se détournerait, délaisserait quand il y a un mal. Il y aurait que du bien. Lakin, kama qala azza wa jal, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour nous éprouver les uns les autres. Chacun de nous, c'est une fitna pour un autre. Pourquoi? Est-ce qu'on va patienter et est-ce qu'on va s'accrocher et continuer notre voyage? قَالَ وَلَوْ فَكَّرَ الرَّجُلُ فِي كُلِّ شَرٍ يَلْحَقُهُ مِنَ الْعَالَمِ أَعْنِي الشَّرَّ الْحَقِيقِ الَّذِي لَا يُجِبُ لَهُ الرِّفْعَ وَالزُّلْفَ مِنَ اللَّهِ وَجَدَ سَبَبَهُ الْإِخْلَالِ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ أَوْ بِبَعْضِهَا. Tout le mal, chaque mal qui nous touche, c'est un problème dans un de ces trois points. خُذِ الْعَفْوَ, le fait de pardonner, le bon comportement. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, le ilm et la mise en application, le conseil, etc. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, savoir reculer أحيانا. Enfin, chaque mal qui nous touche, c'est un de ces trois points. Ou deux, ou trois. Aïe, les trois points réunis. قَالَ وَإِلَّا فَمَعَ الْقِيَامِ بِهَا فَكُلُّ مَا يَحْصُلْ لَهُ مِنَ النَّاسِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فِي الظَّاهِرِ فَإِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنَ الْقِيَامِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ وَإِنْ وَرَدَ فِي حَالَةِ شَرٍّ وَأَذَى كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Combien de choses en apparence c'est mauvais et en réalité c'est un bien. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve avec un sévier qui t'accuse, qui ment. Essaye de penser à ce genre de verset. Annahu, tu te défends pas, tu défends pas que ton nefs. Khasatan, quand c'est vidin illahi azza wa jal. Annahu, t'es pas là pour défendre ton nefs, etc. Alors, Thomas, c'est un bien. Peut-être que t'avais des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il te purifie avec ce safir, avec cet ignorant. Qala, وقال تعالى لنبيه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال ابن القيم وقد تضمنت هذه الكلمات أي سدغني فرسة مراعة حق الله وحق الخلق فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله فلهذا قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم. Donc, tu seras souvent confronté à des gens qui te feront du mal ou qui essaieront de te faire du mal, imma avec une parole, imma avec un comportement. Si c'est toi qui es visé, c'est pas la religion, c'est pas le ilm que tu propages, etc. Et c'est toi-même qui es visé. Imma ton physique, imma ce que tu possèdes comme bien, muhim, quelque chose qui est à toi. Qala, فقابل ذلك بعفوك عنهم. Essaye de pardonner dans ce cas. لماذا؟ لأن السطوة كيفيزي. قال عز وجل فاعفوا عنهم أي pardon لهم. قال وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم أي وإن أساءوا في حقي أي في أخيك أي si ils font du mal à ton frère فاسألني أغفر لهم on s'entraide. S'ils font du mal à un de tes frères, tu dis à ton frère, pardonne-leur. C'est une cause pour qu'on les attire vers Sunnah. Le pardon, c'est une cause. C'est pour ça que celui qui pense au din, même si c'est lui qui est touché, il pense au din, il essaye de faire de cette cause et de cette injustice, il attire quelqu'un vers le din. Ils font du mal, ils parlent mal, etc. Tu lui pardonnes. Ouais, il n'a pas l'habitude de hal. Il a l'habitude de gens comme lui qui répondent avec des choses encore plus graves. Lakin, si tu tombes sur un frère qui a la sunnah, la ilm, il lui pardonne, wallahi, ça touche. Roubama, c'est une cause. Anna, il veut devenir comme toi ou suivre la même chose que tu suis. Limada, l'ayana, la tadon. Al-juhal ou al-ashrar ne croient pas qu'ils sont satisfaits de leur situation. Là, leur problème, ça leur fait beaucoup de mal. Ils cherchent une issue. Enfin, essaye d'être la cause pour lui ouvrir une porte. كونوا مفتاحا للخير مغالق للشر ou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم. On essaie d'être une porte, une clé pour ouvrir les portes de bien et une clé pour fermer les portes du mal. قال وان اساءوا في حقي فاسالني اغفر لهم واستجلب قلوبهم واستخرج ما عندهم من الراي بمشاورتهم فان ذلك احرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحه كذلك المشاوره وشاورهم في الامر c'est un comportement طيب كذلك اي احيانا même si واحد il est pas اهل il a pas le niveau etc لكن le fait de lui demander son avis et le mouchawara de se concerter, ça lui fait énormément de bien. Et bien sûr, à la fin, on revient à la vérité. Lakin, avec ce comportement, il va sentir que tu lui donnes du temps, et Rabbama, il sera attiré par ce que tu suis. Aïe, al-Qur'an, wa sunnah. Qal, fa inna dhalik ahra fi istijlab ta'atihim wa badlihim al-nasiha, fa idha azimta ala amrin, fala istishara ba'da dhalik, bel tawakkal ala Allah, wa mdi lima azimta alihi min amrik, fa inna Allah yuhibbu al-mutawakkilin. Thumma, quand le haq, il est clair. Quand tu as pris la décision, fatawakkal ala Allah et avance. Et n'écoute plus. Wahid qui va te dire là, mais comment, etc. Si tu es sûr et tu suis la vérité, avance. Tawakkal ala Allah. Azza wa Jal. قال فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. Ça c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. قوله عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé ce verset au prophète sallallahu alayhi wasallam et qui l'a éduqué avec ses comportements. Fait tout pour avoir une part min hada, d'appliquer ces versets, d'appliquer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et inshallah ta'ala, on essaye de terminer ma baqiya dans le dars suivant. Walhamdulillahi rabbil alameen.